Six Beats. Comme Neski, toutes les 10 minutes, je roule un bédo. Ça me permet d'oublier que des gens font encore travail, métro dodo. J'entends encore cette femme dans le métro. Je vois encore mamie tout là-haut. Drogue, c'est mal, plus facile à dire qu'à faire. Nombreux sont tombés dedans et ne peuvent rien y faire. M'affronter, tu n'es pas encore qualifié. D'ailleurs, tu n'es pas encore né. J'enregistre en e-wear, chacun ses galères. Le rap se fait cracher dessus un gros glaire. C'est un style de musique à part entière. Ouais, tu veux être validé. Tire sur mon pilon. J'en passe une pour toi, non, à partie trop tôt, mais t'as toujours été là. Je regarde les étoiles, sans toi c'est difficile. J'espère que tu me regardes tout là-haut. Je regrette, j'en pleure, mais je reste fort. Veille sur moi, protège-moi. Je reste ce petit garçon qui apprenait ses leçons. Non, je suis pas un méchant garçon. Je me protège juste des saloperies. Et crois-moi, mamie, y'en a plein dans ma vie. Et toi, mon père, et toi, ma mère. Pour vous, je ferai tout, même si je deviens en galère. Tous ces étés au bord de la mer, on emmerdait le monde majeur en l'air. Je n'ai pas su dire je t'aime, mais je le pense. Je te remercie pas assez, maman, quand tu me penses. Quand je vois bien que tu n'es plus la même. Mais nous, on est là et on t'aime. Je me souviens quand mon père m'a dit: le temps vaut plus que l'argent, alors dépense-le sagement. J'ai pas écouté papa, j'ai dû côtoyer la merde. Et toi, mon frère, reste fort, je sais que c'est dur. Mais rappelle-toi quand on marchait dans la hure. Souviens-toi des bons moments, ça te redonnera là ce fort. Tu veux être validé. Tire sur mon pilon. Plus je dors, plus je suis fatigué. Je serai donc en manque de sommeil toute la journée. T'as voulu tester mon phrasé, je t'avais dit que c'était impossible. Comme quand t'as voulu trouver du travail, impossible. Quand je rappe tout doucement pour monter en haut de la montagne, tu dois rapper vite pour essayer de me rattraper. Ça fait 17 ans que je dors, mais au moins je ne vois pas la merde qu'il y a dehors. Attention, le jour où je vais me réveiller, faudra pas venir me faire chier. Sinon ça sera la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je baisse pas la police comme Saïd, mais tout comme vite, j'aimerais bien en crever un ou deux. On vit dans une société où y'a plus de liberté. J'ai dû verser des larmes pour diluer le mal. Je viens écrire mes spleens comme dans les fleurs du mal. Je rentre en studio, faut que je frappe fort. C'est Carly. Famiglia.